Bonjour, ici c'est Francis Ouellet. C'est encore le dos, ah oui. Ah oui, et Jean-Michel Bertillon. Du 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques sur les ondes de Choc FM. Vous écoutez le podcast... Les accros des jeux, avec Big Ben. Antithèse. Et Retro Gamer RPG. Avec Marie-Lune et Tester Alpha. Ouh, 2013, on commence ça dans 5 secondes. Salut Zachro, c'est le Big Ben. T'es antithèse. Rétro Gamer PQ. Marie-Lune. Et Tester Alpha. Pour le podcast des Zachro, on est de retour après un mois de vacances. Et on est de retour pour pas vous jouer des mauvais tours. J'espère pas. Comment ça va la gang? Ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Numéro 1. Ça va super bien. Ça nous manquait, je pense, hein, faire des podcasts. Ça nous manquait. Moi, j'avais out. Ouais, hein? C'est long. Hein? Un mois là, sans faire Catwoman, c'est long. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais nous, on a eu la chance, Marie, Tester et moi, d'aller à Ronde ensemble et de passer du temps ensemble. Alors, ça nous a comme aidé un petit peu, mettons. Moi, j'ai la bombe. Bon. Nous, on a Tester Alpha. Avec Antithèse et moi, on a fait une vidéo avec. Bref, on a joué à Munchkin. Si vous avez pas ouais. vu ça. Ouais, c'est tellement bon la vidéo, là, la gang. Là. Ouais, pendant que moi j'étais à Québec. Descendre à Montréal, je serais allé juste pour ça. T'étais un petit peu en nuit de noces. Ah, c'est vrai. T'es sûr que ta femme maintenant aurait trippé. Ah, ouais, c'est vrai. Chérie, c'est 6 mois et tout ça. Ouais, mais Namour, il faut que finalement j'ai de quoi faire à Montréal. Écoute, t'es moins importante. C'est comme tellement chien. J'avoue, hein. Alors, de Andy Thibault sur Twitter en passant les accros. Moi aussi, j'irai me chercher un cornet. Mais bon, pas le temps, j'ai un live à écouter. Ah! Merci beaucoup, c'est vraiment c'est le fun. C'est bon ça, beau sacrifice, ça là, les accros, pensez-y. Tout à fait. Je vais commencer avec Antithèse. Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ton dernier mois? Le dernier mois, ça a été une formation plus complète de mon groupe de musique. Ça, c'est une part. D'autre part, jeux vidéo, c'est beaucoup. Je suis même rendu, je pense, à... Oui, carrément. J'ai rendu à 41 heures sur le jeu Project Crosszone. Oh my! Ok, c'est un... C'est intense. C'est tellement niaiseux pourtant, mais c'est addictif. Fuck Pokémon, fuck les Digimon. Project Crosszone all the way, baby. Et je vais y aller avec Marie. Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ton dernier mois? Je sais que tu te retiens de jaser parce que t'as beaucoup de choses que t'as faites. Ben, entre autres, j'ai eu mes vacances pendant les 2 semaines de la construction et pendant ces 2 semaines-là, j'étais allée à Québec. Toute seule comme une grande fille dans le coin de Retro Gamer PQ et je suis allée à l'imaginaire pour la première fois de ma vie. Yeah, t'as découvert la chose à visiter au Place Laurier. Ouais, puis mettons que une chance que j'avais un budget. Oui, c'est clair. Oh my god. Tu peux pas sortir de là avec rien. Non, ben en fait, j'ai sorti de là avec des choses pour moi puis des choses pour Big Ben à côté de moi. Comme? J'étais bien content! Comme quoi? J'ai complété ses BD de nous, j'en ai acheté 3. Juste pour lui. Puis entre autres, ben, j'ai pas pu résister, hein? Elle a acheté une petite marionnette de Totoro. Pour ceux qui nous écoutent en audio. Et j'ai acheté également le Most Wanted Harry Potter original. Ben, pas l'original, mais qui vient vraiment de là-bas, je pense. Parce que je me suis demandé, c'est-tu une copie préférée? J'ai dit non, c'est un vrai. Et c'est marqué Undesirable Number 1. Oui, c'est ça. Indésirable de Voldemort, ou c'est juste que... Parce qu'il était recherché, dans le fond. Puis c'est comme l'affiche pour dire qu'il est recherché. OK. C'est l'affiche pour Sirius Black, puis il y a celle-là. Bon, ça y est. Harry Potter est un criminel. Bon, ça y est, bon. Ma vision d'Harry Potter. Pas vraiment, mais bon. C'est parce que c'est Harry Potter, il fait du crystal meth dans le laboratoire avec Dumbledore. Ah, okay. Ah, c'est pour ça qu'il fait plein d'hallucinations. Il voit les marches bouger. Ils toutes leurs patentes, là. Belle référence de American Dead en passant. Et Sylvain, de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben là, je me suis marié, j'ai eu des vacances, j'ai bu beaucoup de bière. Puis ben j'ai. T'es sûr que t'as pas fait du cristal de meth, toi et tout, là? Non, non, la drogue, c'est mal, vous voyez. Non, c'est ça, là, c'est pas mal ça, là. Puis quelques jeux ici par là, là, pis c'est ça. Tester, de ton côté, un gros mois bien chargé de ton côté. Ouais, ben écoute, j'étais en vacances, fait que j'en ai profité pour faire des trucs que je voulais faire depuis longtemps. Premièrement, j'ai fini le RPG sur lequel j'étais en train de jouer. Ça tombe bien, je vais en parler aujourd'hui, mais plus tard. J'en ai aussi profité pour faire plein de vidéos, plein de projets qui s'en viennent, là, fait que vous serez bien sûr tenu au courant à mesure que ça va sortir. Et puis sinon, moi aussi, je suis allé à Québec, mais je suis pas allé à l'imaginaire. Je suis allé au musée de la civilisation pour voir l'exposition sur les jeux vidéo. Chanceux, j'ai pas pu y aller. C'était quand même divertissant, là. Surtout pour la partie rétro, là. J'ai joué à des vieilles affaires. Ça, c'était cool. Astéroïde. Oui. Il y a plein de choses, finalement. Oui. Non, non, écoute, il y en avait, là. Il y a quelque chose qui m'a surtout surpris, c'est les PC Engine. Je ne l'avais jamais vu. Non? Tu sais pas c'est quoi? C'est étonnant, mais c'est tout petit, là. En fait, c'est vraiment laid, là, mais c'est tout petit, puis ça fonctionne bien. J'ai joué un shmup sur PC Engine, puis... Ouais, c'est... PC Engine, c'est notre version du TurboGrafx-16, ici. Ouais, c'était vraiment cool. C'est j'aimais ça, bref... Oui, c'est dommage que la machine n'a pas été entièrement populaire ici. Peut-être qu'on aurait eu des chances d'avoir des excellents jeux. Ouais. Je pense à Metal Gear dessus, là, qui sont... Dans ce temps-là, t'avais Sega puis Nintendo, là, puis c'était comme Sony puis Microsoft aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Ouais. Il y avait aussi des belles consoles genre Neo Geo avec le fameux jeu Metal Slug, là. Ah, c'est le fun. Cool, ça, j'avais le goût de cacher la vitrine dans mon sac à dos et partir avec, mais ça rentrait pas. Ça va, ouais, mais si ça fait ça, ça va faire comme moi quand j'étais allé au musée des Beatles. J'ai juste touché à la barre de métal qui entoure le char de John Lennon, puis ça a fait pip pip pip pip. La barre de métal. Ouais, il y a une barre de métal pour délimiter, tu sais, pour pas que tu t'approches du char. Je vais juste m'appuyer dessus, c'est parti. Ah, mais c'est ça, comme tu as fait, tu l'accroches, c'est... bravo, tu sais. Ils niaisent pas avec le puck. Oh non, ils veulent pas que je touche au char à John. Touche pas à mon auto. Bon, ça y est, Batman est de retour parmi nous. C'est John Lennon et Batman, c'est ça, je suis en train de comprendre. John Lennon et Batman. All you need is love. Oh là là. Bon. De mon côté, ben j'ai eu aussi mes 2 semaines de vacances, alors j'ai pris le temps pour tourner des affaires. J'ai également joué à énormément de jeux. La vente Steam a permis de me bourrer de jeux sur mon ordi. Fait que ça a bouché pas mal mon temps. Et sinon, ben j'ai également tourné quelques critiques. Oups, désolé, téléphone. Je vais laisser. Donne-moi un petit instant. Et c'est pour ça que quand on a un téléphone chez soi, les accros, il faut toujours le fermer avant de commencer. Ouais, mais ça, c'est un téléphone maison, alors c'est pour ça. Pas de l'air. Puis, tu peux le fermer pareil. Non, ouais, je pourrais. Oui, je peux le fermer, mon téléphone terrestre, là. Ouais, ça là, c'est toujours des télémarketeurs qui appellent pour te vendre quelque chose. Il est mort. Ouais, mais... So, congratulations, you have won. Une chance d'aller faire une croisière. Oh, c'est de l'arnaque, ça. Oh là là. C'est de l'arnaque. Quel chanceux. Bon. Mais moi, j'ai déjà fait des sondages hein, chez Sequest. Ah ouais? Oh boy. on va aller voir ce podcast sur le YouTube, le chat. Qu'est-ce que le monde jase ces derniers temps? Alors, qui nous jase? Philippe Saint-Jean nous demande, que pensez-vous de Vito Magic? C'est quoi Vito Magic? C'est peut-être une nouvelle boisson énergétique qui vous fera mérir de 15 livres! On ne connaît pas ça, désolé. Les noobs, des fois je me sens tellement noob, là, le monde sont là. Hey, connaissez-vous telle affaire, on est là. Non, même moi je te connais pas, là, je l'avoue. Là, fait que... Pluto Magic, ok. Non, Pluto ça me dit Magic. Rien, ça me dit rien. Mr. Setter nous dit Neo Geo, les cartouches sont hyper grosses. Oui, c'est aussi gros qu'un VHS. Pas loin, hein? C'est pas loin, c'est vraiment gros, gros, là. Mais tu sais, c'est des bornes d'arcade de base. Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça que c'était gros à l'époque, hein. Fait que c'est pour cela. Okay. On va en partir des nouvelles? Ben oui. Nouvelles. Il y a eu beaucoup de nouvelles. Big Ben! Big Ben! Wouh! Les nouvelles de Big Ben. Sur le podcast des on est rendu hot, on a des introductions à cette heure. Ouais. On s'est fait nous autres même, ouais. Très bien, très do it yourself. Il manque juste ma tonne d'introduction, là, puis on va embarquer dedans, là, ça va être vraiment. On va être en business. Oh que oui. Taking care of business. Ouais, vas-y. Commence pas, là. Oh là là. Ben on a d'abord ben on aime bien les jeux Star Wars d'habitude. On a un nouveau titre de Star Wars qui va sortir, qui va s'appeler Star Wars Attack Squadron. Donc probablement de la lignée des Rogue Squadron. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que vous étiez des fans de Rogue Squadron? J'ai jamais joué à Rogue Squadron. Mon Dieu, Rogue Squadron et j'ai quand même eu des commentaires kiff-kiff dans le sens que 50% des gens m'ont dit que c'était bon, d'autres m'ont dit que ça valait vraiment pas la peine. Il aurait fallu que je sois un fan de Star Wars pour commencer. Hein. Ouais, c'est ça que j'allais dire, moi non plus, je suis pas fort. En fait, tout ce qui est science-fiction futuriste, là, ça puis Star Trek, là, oubliez-moi, là, j'ai pas d'opinion là-dessus. Ça m'étonne de toi, Tester, en fait. Pourquoi? Parce que tu me sens, je sais pas, ça, tes cheveux longs avec la barbichette. Ouais, c'est ça, t'as l'air, tu sais, du. C'est l'association du. C'est ben, ouais, non, ça a donc bien pas rapport. C'est parce que j'écoute du métal, là. C'est pas parce que j'aime Star Wars. Mon frère aussi écoute du métal, pis c'est un tricky. Tes cheveux longs aussi, pis il se fait pas la barbe, pis il y a des gilets de Metallica, pis de Red Maiden, pis... Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec toi pendant les vacances? Là? Il s'est marié! Ok, c'est ça! Il a changé son sang pour de la bière, c'est pour ça. Bon, c'est ça, je suis en train de faire une queue. Hein. Message d'intérêt public à tout le monde, et je vais me mettre dans la caméra à Marie pour que tout le monde me voit. Ne vous mariez pas, vous allez devenir comme Sylvain. Hey! Ok, hey! Si ça veut dire que vous allez devenir beau, élégant, intéressant. Oh là, c'est un bon deal. Mais bon, promenez la Rogue Squadron, qu'est-ce qui se passe, Ben? Ben, il y aurait un nouveau titre qui s'appellerait Attack Squadron qui devrait sortir, mais parce que le site internet a été réservé. Reste à savoir, on n'a aucun détail par rapport à ce nouveau jeu-là, mais c'est le fun de voir que ben Disney ont commencé à vouloir sortir des jeux Star Wars prochainement. Avec Battlefront, que j'adore aussi, là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Attack Squadron. Assassin's Creed 4! Ça vous tente de ben oui, ça s'en vient quand même prochainement. Et ben on a quelques nouvelles par rapport au nouveau jeu. Ben d'abord, on sait qu'on va embarquer dans la peau d'un personnage qui s'appelle Edward, qui va être vous finalement. Donc vous allez vous faire un propre avatar qui va rentrer dans le personnage de l'assassin dans cet épisode-ci. Donc c'est pas relié par Desmond, c'est vraiment votre personnage à vous qui se promène dans la compagnie j'ai de la misère à dire Abstergo. Abstergo. Abstergo. Industries. Puis c'est lui qui va rentrer dans le projet Black Flag, qui est de revenir dans les souvenirs du pirate. Je me rappelle plus de son nom, je suis vraiment désolé. Je suis en train de finir Brotherhood, ça fait que ça me prend. Edward, ça fait pas mal Twilight, ça, je trouve. C'est Edward Conway. Je pense que c'est le père de. C'est pas le grand-père de Connor? Ouais, je pense que c'est le grand-père. Ouais. Par exemple, avec grand-père, c'est moi qui connais même pas tant que ça le mythe de Assassin's Creed. Mes amis qui, lui, l'est un gros fan, m'a fait part de cette information. Mm-hmm. Vous allez pouvoir également télécharger une application pour votre tablette iPad. Est-ce que ça marche pour l'Android? En ce moment, je ne vois pas grand-chose sur l'Android, mais j'imagine qu'on va sortir de quoi sur Android. Et ça va vous permettre de vous donner une carte interactive du jeu. Pendant que vous allez jouer, vous allez pouvoir voir ce qui se passe en direct dans les mers avec votre votre carte sur votre iPad. Ok, bref, ce que je vais pouvoir faire sur ma Wii U. Genre. Et aussi, ils ont repris le système de Brotherhood pour ce qui est des la gestion des assassins, mais cette fois-ci, vous allez utiliser une flotte de vaisseaux. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire, si vous avez capturé un vaisseau ennemi, puis vous avez décidé de mettre votre équipage dessus, ben vous allez pouvoir dire à tel équipage, ok, tu vas aller attaquer tel navire avec tel argent, puis c'est eux autres qui vont vous ramener de l'argent. Ça va être quoi, Assassin's Creed Craft? Genre, on dirait. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme type de jeu, là. Moi, il faudrait que d'abord que je touche au 3. Même si tout le monde me dit qu'il est bugué à tour de bras, là, c'est ce qui m'agace un petit peu. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Mais bon, il est bugué, mais est-ce que l'histoire dit qu'il y a des patchs qui ont fixé les bugs ou ça, c'est un peu. Moi, ce Wii U, il était patché, fait que j'ai pas vu beaucoup de bugs à part dans les villes avec les animaux. Des fois, ils sont comme genre à moitié. C'est des bugs de loadage d'image. Ben, même pas. Non, même pas. Tu peux passer 3 heures devant le même chien, là, puis il est toujours genre sans les pattes arrière. Là. Cool. Cool. Ou ben, t'as le cul de ton cheval, il est rentré totalement dans le saloon. Là. Ça, c'est pas arrivé encore. Ah, ok. Satoru Iwata, notre cher président de Nintendo, ont répondu à une critique par rapport aux faibles ventes de la Wii U. Puis il veut faire un point, il veut vraiment préciser quelque chose en particulier, c'est que le problème ne vient pas du prix de la console. Tout. Mais il dit, si le prix était vraiment un souci, la version de base se serait beaucoup vendue. Mais le fait est que les personnes achètent davantage de versions premium, donc le problème ne se situe pas là. Je comprends que le vrai problème se situe dans le manque de jeux. Oui, c'est pas faux. Beaucoup. Et que la seule solution est de fournir le marché en jeux de qualité. Oui. OK. De qualité, oui. Oui. Il a fait la même chose qu'avec le 3DS. Il n'y avait pas beaucoup de jeux pendant quasiment 6-7 mois. Puis à un moment donné, fou! Sauf que encore, ils perdent des alliés. Bah oui, c'est ce qu'ils disaient aussi dans le temps de la 3DS. Mais regarde la 3DS. Là. Je sais, mais tu sais, comme ça va venir avec une autre de mes nouvelles, Bethesda qui a dit on fait pas de jeux pour Wii U. Bethesda qui fait quand même Elder Scrolls Online, qui fait... Ouais, mais on s'en fout de... Fallout. Fallout. Ouais, c'est ouais, mais toi, t'as pas aimé. Toi, tu l'as pas aimé, point. Fait que, tu sais, c'est comme... Faux. Mais, sérieux, là. J'en ai rien à foutre de Skyrim, là, puis Elder Scrolls, là. C'est pas pour ça qu'on achète une Wii U, puis une Wii. Là. T'achètes une Wii U, pourquoi? T'achètes ça pour les jeux de Nintendo? C'est juste eux autres, ils vont fournir quasiment un jeu par mois. Mais est-ce qu'ils fournissent un jeu par mois? Ben, c'est ce qu'ils vont faire, là. Je sais pas si t'as vu la liste de ce qui s'en vient, là. Mais c'est quasiment un jeu par mois, là. Fait que t'achètes finalement une console avec seulement des exclusivités. Ben, c'est le but, sinon ça donne rien, là, d'acheter une console, là. Je veux dire, moi, j'achète pas la Wii U pour jouer à God of War, là. Non, mais tu vas peut-être vouloir jouer à, je pense, à nos fans qui adorent les, Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty, c'est pas les, pas bon, ça. Oh, dis-les. Ah, dis-les donc. C'est pas des gamers qui jouent à Call of Duty, là, c'est les petits flots dans leur cave, là, qui ont pas encore grossi de boules entre les deux jambes. Oh, il mine, ça. Il va se faire frapper après le podcast. Battlefield, c'est bien mieux Battlefield. PC forever pour ce genre de jeu-là. Si on t'achète une console pour jouer à Call of Duty. C'est mal. Là-dessus, je me range du bord de rétro parce que c'est anyway, les jeux comme Call of Duty, c'est conçu pour jouer avec une souris et un clavier ouais, pour. C'est vrai, c'est la facilité des touches puis la facilité des shortcuts. Tu sais, j'ai un PC pour ce genre de jeu-là. J'ai pas une console pour ça. Je peux-tu acheter des jeux de Mario et tout, tout ça pour PC? Non. Mais est-ce que tout le monde a un PC puissant comme le tien? Hein? Est-ce que tout le monde a des PC puissants comme le tien? C'est mon ordi, là. À place de t'acheter un Xbox One et un PS4 là, pour deux jeux différents, tu vas t'acheter ton PC qui va te coûter moins cher qu'une deux consoles. Puis c'est clair. That's it, là. Ça, t'as déjà été dessiné dans le passé, fait que le débat, le sujet est encore pertinent même aujourd'hui. Ben, tout à fait. Le débat va toujours fonctionner, il va toujours avoir du monde pour défendre les consoles, puis ça se comprend. Ça sert à quoi d'acheter une Xbox One? Je veux dire, tous les jeux que Microsoft va faire vont se retrouver sur PC, Steam. Et voilà. Je veux bien, mais va dire ça aux fanboys. Ouais, je suis sûr que ça doit jaser sur notre YouTube par rapport à ça, là. Bon, j'ai créé une controverse, ce qui va rendre le podcast encore plus intéressant alors qu'il l'est déjà intéressant. Voilà. C'est bon ça, pareil. Ah oui, j'avoue. Mais là, non, il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de discussion... Pas vraiment, la gang, ils sont comme tous d'accord avec toi, on dirait. Non, moi je pense que la Xbox One, ça suce des pénis, fait que... Je vois certainement pas la défendre, Isit. On vient de se garantir que Microsoft ne jamais ne supportera les accros des jeux. Ben, on veut que nous viennent avec toutes leurs bugs et leurs merdes. Ben voyons donc. Je pense pas qu'ils vont venir nous supporter pantoute. De toute façon, pourquoi ils nous supporteraient, voyons donc. Pour aucune raison. On parle de jeux rétro. Microsoft font-ils des jeux rétro? Non. Ben, fuck you. Non. On embarque dans une autre nouvelle. On est prêt? Marie va pouvoir embarquer dans celle-là parce qu'elle joue énormément à ce jeu-là. Oh! Oui. On parle du jeu Candy Crush Saga qui est sur... C'est un plaisir coupable, je l'avoue. Qui est vraiment un succès sur les smartphones et Facebook parce qu'il a été téléchargé plus de... Il y a près de 45 millions de joueurs qui jouent à ce jeu-là. Marie, peux-tu nous parler un petit peu c'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu-là? C'est un espèce de jeu de puzzle. Comme la plupart des jeux sur Facebook, c'est un jeu de puzzle. Point. Le genre de Tetris, là. Oh! Ouais. C'est pas un Tetris, c'est plus, je dirais, t'alignes genre des boules de la même couleur ensemble, ça explose. Ah, c'est comme la même. C'est vraiment juste ça. C'est comme Boston Move. C'est un jeu de base. Ouais. Ouais, un petit peu comme Boston Move, ouais. Non, c'était quand même intéressant de voir qu'il y a des petits jeux qui sont aussi simples que ça ressemble beaucoup à Tetris, là, qui fonctionnent super bien. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont comme eu leur marché, selon moi, c'est juste à cause des téléphones intelligents, sérieusement. Parce que c'est disponible à ça sur iPad, sur iPhone, sur Android. Fait que, sûr que, ben, oui, tout le monde est sur Facebook. On doit s'entendre là-dessus. La plupart des gens vont sur Facebook. Si tu connais pas Facebook, t'es dans une grotte dans le fin fond de l'Alaska, là. Ou ça ailleurs encore boss. Plus creux, là. Ton boss. Mais, tu sais, c'est le fun de voir qu'un petit jeu aussi simple qui était de base juste sur Facebook, s'étend à cette vitesse folle-là. Moi, je m'attendais pas à 45 millions de joueurs, pas en tout, là. Ben, c'est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a un marché. 45 millions, ça commence c'est à faire du monde, comme ça, là. Ben, hey, c'est que plus oui. que wow! C'est plus ouais. que League of Legends. Ben, c'est vrai que c'est pas un jeu qui demande... Tu sais, veux pas, tu peux jouer offline sur tes téléphones, tu sais, t'es dans le métro, ça se joue super bien. Ça vient quand même chercher une populace, puis même... Ma mère joue à ça. On s'entend-tu que... Ouais. C'est grand public, là. Quand ma mère est capable de jouer à un jeu, ça veut dire que c'est vraiment grand public. Ouais, mais oublie pas que ta mère t'a déjà battu une couple de fois à Mario Bros. Ta gueule! Oh! Oui. Ma mère m'a planté à Mario Bros. Bon. C'est mon aveu ce soir. sinon, à part ça, on va embarquer une autre nouvelle. Ben Xbox ouais. One! Ah, non, ça ne tente pas d'en parler. De ça. L'enregistrement êtes-vous prêt? Oui, vas-y. On écoute. L'enregistrement de vidéo, elle est réservée aux abonnés de Gold. Je suis surpris. Wow. Quoi? Ben oui. Et ouais, l'abonnement okay. Gold, ce qu'il vous donne le plus, ben, c'est l'accès aux multijoueurs en ligne, les applications, Internet Explorer. Et... Explorer, j'achète! Yeah. Vous allez avoir des remises? Un TV Guide? Oui, mais sérieux! Un TV Guide! C'est comment on nous prend pour des cons? Facepalm, wow. Un enregistrement vidéo et le Skype. Ah, yeah. Ok. C'est vrai que tu peux avoir ça sur un ordinateur? C'est ça, mon PC fait tout ça pour 0$ par mois. Justement. Eh oui. Ah. Non, mais déjà, à la base, on devrait même pas s'inquiéter des features qui sont pas accessibles facilement sur Xbox One. Parce que, à la base, là, si on fait un choix intelligent, là, ben, on devrait même pas d'avoir Xbox One dans notre maison. Ouais, il y a quand même du monde qui en achète. C'est ça qui est le problème. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est aussi renseigné que nous autres, on l'est. Tu sais, le père de famille qui écoute pas les podcasts, c'est Xbox. Non, c'est pas lui. Xbox a une certaine réputation. Il va acheter le Xbox pour faire plaisir à son kid. Puis je suis certain que son kid va être chanceux, va être bien heureux, là. D'accord, toi, dans le sens où c'est que ça peut comme, tu sais, comme référence, tu fais des recherches sur Internet, puis là, paf, tu tombes. Sérieux, là, l'acheteur moyen fait pas de recherche pour savoir qu'est-ce qu'il achète, là. De plus en plus. Ben non, j'ai dit l'acheteur moyen, là. Ça, c'est ça. Nous, on est un petit peu plus haut que moyen, nous autres. J'ose espérer. Okay, oui. On va se monter la tête, là, bientôt. On est plus que l'acheteur moyen. Ben non, mais je veux dire, on connaît notre domaine, c'est ça qu'on veut dire. On va fouiller toute l'équipe, mais moi... Oui, regarde, bon, à la job, là, il y en a peut-être deux ou trois qui sont informés, puis la majorité, c'est du monde moyen qui ne check pas ça, là. Sérieux, à ce point-là? Ben, je te dis. T'es obligé de les éduquer, tu sais. I have that. C'est comme être à l'école, des fois. écoute, il y a la moitié qui ne savent même pas c'est quoi une carte SD encore, là. Fait que... Voyons donc. Oh my. Ma mère le sait, ça va pas bien. Là, tu me niaises, rétro. Non, je te niaise pas. C'est-tu l'air de niaiser, moi, là? Ben là, on ne voit pas ton image, alors on le sait pas. Mais gars, je fais la même face que sur mon image présentement. Là. C'est plutôt exactement. Non, je te niaise pas. C'est vrai. C'est bon. True story, everyone. All right. Zelda 3DS? What? Oui, ouais. Présente. On a parlé dans le dernier Nintendo Direct. On a eu quelques nouvelles par rapport au prochain Zelda qui devrait sortir en novembre. On apprend qu'il y a une deuxième Triforce qui va être présentée dans le jeu. Une Triforce noire. La Dark Triforce. Oui, c'est écœurant. Je trouve que ça donne... Comment dire? Ça fait bizarre de savoir que là, ils ont décidé d'introduire une deuxième Triforce. Je me demande qui va être, est-ce qu'elle sera aussi puissante que la première? Et pourquoi ils n'en ont jamais parlé auparavant? Pourquoi ils n'ont jamais eu l'idée, tu sais? Ben, peut-être que ça a toujours été d'implant, mais que ça ne donnait pas d'en parler. Puis comme ça ne fait pas partie d'un jeu actuel, ils n'en parlaient pas, tu sais? Non, mais tu sais, c'est comme... Il me semble que j'aurais déjà vu Ganon essayer de pogner une Triforce noire, tu sais, dès longtemps. Non, mais c'est comme moi, Ben, que Nintendo, il aime pas ça de dire des affaires trop à l'avance, puis il parle juste de ce qui est actuel. C'est un fait. Il aime beaucoup regarder avant, il aime beaucoup regarder en ce moment, et il aime pas regarder en avant. C'est ça, hein? C'est pas vraiment ça que j'ai dit, là, mais... Pas loin. J'ai dit qu'ils dévoilent jamais les secrets de leur jeu avant qu'ils le présentent. C'est un fait. Fait que, ben, j'ai hâte de voir ça. Puis, ils ont aussi annoncé comme quoi que ce jeu-là n'est pas une suite directe de A Link to the Past, parce que c'est un autre Link. Oui, c'est pas le même Link que dans... C'est un sequel, oui, mais qui se passe comme des centaines d'années après. Fait que, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, finalement, comme jeu, là. J'espère juste qu'il n'y aura pas les contrôles de la version DS. J'ai pas aimé la version DS pour ce qui est des contrôles. Il y a eu des limites assez dégueulasses, hein. Non, mais les contrôles de DS, t'as avec le stylus. D'après ce que j'ai vu sur IGN, puis le monde qui ont joué, ça n'a rien à voir avec le stylus. J'espère, parce que avec le stylus, t'as pas espéré, pas... ça va être ça. Bon, du coup, j'espère. Je te le garantis! Circle Pad! Je veux aller live enregistré là. Ben, je peux te montrer des vidéos du monde d'IGN en train de jouer? Pourrais, ok. Pour le nouveau Zelda, Link, Parallel, whatever? Ben oui. Ouais. Oh my god. Autre nouvelle? J'ai mort. Ben là, vu qu'il n'y a plus personne, mis à part Marie, qui joue à WoW, Ça va être moins de devoirs de portance. Marie joue un jeu que nous, on joue pas. C'est unique, Marie. On a appris... On a appris que, ben, pour ce qui est de la dernière patch qui est sortie, ben, cette patch-là va introduire une nouveauté majeure qui s'appelle les royaumes connectés, qui sont finalement des fusions de royaumes. Ça va pas bien. Ouais. Non, ils ont perdu énormément de joueurs, là. Je pense que... Attends, là, on est en août. Je pense que deuxième trimestre de l'année, ils ont perdu quelque chose comme 900 000 joueurs. Bref, ils... C'est pas ça mal tout mal, en là. Chine. Ben, c'est... Ouais, mais c'est... Ouais, mais c'est en... Mais là, constante baisse, là, ça... J'ai l'impression qu'en Chine, avec ce qui sort le in-game store, là, dans WoW, là, ça va être... ça va devenir un free-to-play, éventuellement. Ben, ça s'enligne vers là, là, avec la perte de popularité, puis tout ça, là... Parce qu'ils ont dit que Titan allait être free-to-play, fait que... OK. Ben... Mais selon vous, pourquoi que le jeu a perdu autant de monde? Ben, parce ben, que... Ben, ça se fait vieux. Mais oui, oui. C'est routinier aussi par vous, ça devient. Vous avez raison. Par contre, le mode de d'inscription par mois pour jouer MMO est en train de disparaître. Ben oui. Il y a de plus en plus de free-to-play qui ont de l'allure. Fait que je vois pas pourquoi que Blizzard dans une couple d'années changerait pas pour free-to-play. Voilà. Ça fait juste du sens côté business. Juste penser à League of Legends, c'est un excellent free-to-play. Puis écoute, c'est un jeu de qualité, ça là. Quand WoW est sorti, je suis pas prêt à dire que c'était que les free-to-play étaient d'aussi bonne qualité. Fait que WoW se fait vieux là, tu sais. WoW quand c'était nouveau, c'était WoW. non mais c'était nouveau, c'était cool. On voulait jouer, mais là, veut pas. Ça va faire 10 ans là quand même. À peu près. 2004, je crois. Ça va faire 10 ans, tu sais. C'est quand même bon pour un jeu, mais écoute, ça se fait vieux, là. La nouveauté est plus là, puis il y a plus en plus de compétitions. Fait que... Pardon? Moyen. La part des jeux comme WoW, disons, pour être généreux, t'offres même pas 3 ans. Non, mais WoW a changé le landscape là-dessus, faut pas le nier, là, par exemple. Non plus. Mais non. C'est sûr que le mode de payer par mois est en train de disparaître, puis même eux autres, ils le reconnaissent qu'éventuellement, le landscape est en train de changer là-dessus. Mais regardez comme ça, DCU, ils ont arrêté de faire payer leur clients au bout d'un an. Ouais, mais là, c'est pas pareil, eux autres, ils se sont fourrés. J'ai juste joué un petit peu, en fait. Oh. Comme toutes les autres, Conan Online, puis Dungeons & Dragons Online, puis... Elle a fait patate. Rift est rendu free-to-play, je pense. Ouais. Mais moi, j'avais joué dans le temps à Dark Age of Camelot, puis ça joue encore, il y a encore du monde qui joue à ça, puis je suis comme, hein? Je trouvais ça étrange, là, je suis comme, ça je rembarquerais pas sur Dark Age of Camelot, là. Fait que, non, c'est ça, c'est des nouvelles, ils commencent à fusionner des royaumes, ça paraît que, wow, on a perdu vraiment du monde. Fait que, je sais pas, ils ont-ils annoncé une autre extension? Pas encore, hein? Non. Oui, ils ont dit qu'ils en feraient une dernière, je pense, après les autres. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, moi aussi. Une dernière, puis après ça, là... Ouais, c'est probablement là, ça va donner un free to play. Si tu veux ramener des joueurs, il faut qu'ils fassent une extension qui a d'allure aussi. Là. Ouais, tout à fait. Selon moi, là. Mais c'est vrai, rétro, un point, là, ça serait une bonne transition pour un free to play, là. J'avoue. S'ils veulent le rendre free-to-play, ça serait... Ben, ils vont avoir leur dernière page de passe de cash, mettons, là. S'ils vont rentrer une dernière extension, ça va être leur dernière passe de cash, puis après ça, ben, acheter des chevals blancs, ça va vous coûter de temps. Hey, je le call tout de suite, la prochaine expansion, ça va être des Emerald Dream. Oh, c'est bol. Emerald Dream? Écoute, je t'avoue que j'ai pas vraiment joué aux autres anciens Warcraft. C'est quoi Emerald Dream? C'est Emerald Dream, là. C'est là que les Night Elves pis toute la kit, là. Même Ysera pis toutes les. Tu connais-tu le lore un peu de WoW? Ouais, un petit peu, ouais. Là, tu vas paraître geek au bout, là, mais je suis sûr que ta star, c'est de quoi je parle. Oui, je sais de quoi tu parles. J'ai lu les romans de WoW qui sont d'ailleurs excellents. Bon, ok. Fait qu'il y a toutes les histoires avec Stormrage, là, pis The Sundering, blablabla, là, puis il y avait l'histoire de Emerald Dream, là. C'est compliqué, comme histoire. Faut vraiment lire, là. faut lire. Oui, ça a l'air de rien comme ça, là, mais la lore de WoW est très complexe, très oui. complète et intéressante. Mm-hmm. Quand même. Ça s'explique même pas dans un podcast trop long. Non, c'est ça. Moi, j'aurais pensé qu'il nous aurait ramené Northrend. J'aurais pensé vu, à cause de l'autre King Leech qui est là. Non, lui, c'est fini cette histoire-là. Il est mort depuis longtemps. Non, mais il y a un autre Lich King qui a pris sa place. Ouais, mais il est juste là pour. Parce qu'il fait maintenant la balance, mais il est pas là pour foutre le bordel. Là. Ah, ok. C'est bon. Autre nouvelle? Je sais pas si vous autres avez commencé à jouer à Shadowrun Returns. Quoi? Shadowrun Returns sur PC. Passé? Non. Ok. Je suis en train de faire une critique en plus sur ce jeu-là, fait que ben vous avez une plug sur ma prochaine vidéo. Je suis en train de travailler sur Shadowrun Return. Et ben pour ceux qui ont acheté le jeu, ben vous allez avoir une extension qui va sortir en pas une extension, c'est un comment on appelle ça? C'est un contenu téléchargeable, ouais, c'est un DLC qui va s'appeler la campagne de Perlin. Et pour dans ceux qui le jardin de Perlin. Là, tu me fais vraiment Perlin de passe-partout dans la tête, là, c'est vraiment non! juste pour vous dire que ceux qui ont souscrit à la campagne Kickstarter, ben, on va l'avoir gratuitement. Sinon, ben, vous allez devoir payer un montant supplémentaire pour avoir cette campagne. Et je te dis que les Kickstarters sont en train de se reproduire à une vitesse grand V. Hein? Ben, ça s'en vient au Canada d'ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle. Au mois de septembre, les campagnes canadiennes ont commencé à sortir. Hey, les accros, on devrait se partir un Kickstarter à la gang, puis si on atteint 150 000 piastres, on vous fait un long métrage. Yes, sir. Ben, c'est sûr. Ouais. C'est-tu avec nos talents tout respectifs, je pense que ça se ferait. J'avoue. Ça serait quelque chose, hein? Mais 150 000, écoute, même les... Il faudrait qu'on ait plus de monde. Il faudrait que les accros, ils répandent la bonne nouvelle. Spreader l'amour des accros. On va se donner quelques années encore. Ouais. Ouais, maintenant. Une ou deux, on doit être correct. maximum deux. Si on fait pas de long métrage d'ici 2 ans, moi je calisse mon canne. Fait que sinon, à part ça, ben Breath of Fire 6 a été annoncé. Pour tablette. Pas sur PlayStation. Vraiment tablette. C'est ridicule, mais sérieux, j'ai jamais joué au 3 et plus, sérieux. Moi, j'ai joué au 2 puis au 3. Attends, on parle de quel jeu, là? J'ai comme... Breath of Fire. Connais-tu pour ceux qui connaissent pas ça? RPG, justement, mais je peux dire qu'à partir du 2 ou du 3, des fois, tu faisais des combats, puis... Le jeu te donnait des coups de pied aux couilles parce que tu l'ennemi avait plus de HP, mais soudainement, l'ennemi avait du HP supplémentaire at random. Tout à fait. Dans le 2, ils ont fait ça. Moi, je me rappelle que c'était dans le 3. Non, c'était dans le 4. Dans le 3 ou dans le 4 où il fallait que tu fasses le tour 2 fois pour pouvoir réussir à battre le boss final. Là, tu confonds avec Golden. Non, c'est un Breath of Fire. Ton personnage est pas assez fort. Je pense que c'est le 4, c'est pour ça que les gens ont comme gueulé dessus, comme ça avait aucun bon sens. Tu te rendais au boss final, ok, t'étais boosté au bout, mais tu te faisais planter par lui, puis là, il fallait que tu recommences ta game, mais t'avais le même personnage, puis là, tu pouvais le battre parce que tu continuais de monter de niveau. Fait que genre, t'étais rendu niveau 100. Pour aller te battre le monstre. Mais au début, genre, la première game, t'étais rendu niveau 60. C'était chiant. Très chiant, pour ça, oui. Ouais. Je pense que c'est le 4, t'as raison. Je pense que c'est le 4. Parce que je l'avais joué il y a longtemps, puis ça m'a comme fait « Ah! » Fait chier. Fait que, c'est ça. Sinon, on va aller avec deux petites nouvelles concernant le cinéma. Avez-vous déjà écouté le film Blade Runner? Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Il y a une des actrices du film qui s'appelle Sean Young qui faisait l'androïde dans le film. Elle demande de boycotter le prochain film qui sort. Pourquoi? La raison, elle joue pas dedans. Ben là. Ouais, grosse c'est... crise de jalousie. Mais c'est plate, là, la, ma belle petite femme, là, mais tu seras pas dans le film. Ça parce que t'es pas bonne. T'as pas été choisie. T'es juste pas bonne. Il y a des auditions qui sont faites. T'as pas été choisie, c'est tout. Elle demande vraiment aux fans du film de boycotter parce qu'elle joue pas ça, là. C'est comme ça. Elle peut crever. C'est n'importe quoi. Elle est même pas populaire, cette actrice. Ça s'appelle Go Die in a Fire. C'est les puristes qui la suivent, c'est encore drôle. Ah, ça, j'avais pas vu ça, par exemple. Écoute, les puristes, genre, il n'y a pas les acteurs originaux. Moi, je veux pas voir le film. Il y en a plein des gens qui pensent de même. Mais ça, c'est triste, en fait. Ouais, dans tous les publics, il y en a de tous les gens. Tu sais, il y aura toujours des puristes, il y aura toujours des gens qui seront fidèles à telle ou telle personne, puis il y aura toujours des fanboys, puis il y aura toujours du monde qui vont arrêter d'utiliser leur cerveau. Fait que c'est ça que ça donne. Dernière nouvelle qui va toucher particulièrement moi et Sylvain. La BBC a dévoilé le nouveau docteur. Mais oui! Monsieur Peter Capaldi. Oui, on va vous parler. C'est très cool. Je veux avoir ton opinion. Science fiction is great. Et Magdalene se cache parce qu'elle a honte de son chum. J'ai pas honte, j'ai juste un peu traumatisé, c'est tout. Allez, le coup de s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Non, je veux pas. Si vous traumatisez comme ça encore, il faut que vous donniez une bonne raison pour que je revienne. Parce que les fans le réclament. Oui, tout à fait. Allez-y, les fans. Demandez si vous voulez voir Marie. Dites-y que vous voulez la voir. Marie. OK, d'abord. Qu'est-ce que t'en penses du choix de Peter Capaldi? Ben moi je le connaissais pas avant, fait que puis mon docteur à moi ça va toujours rester David Tennant là, mais de revenir avec un docteur plus âgé. Ben ça fait du sens. Là. Il y a eu des docteurs bien plus vieux que ça bien avant. C'est sûr. Fait que c'est lui qui va prendre la place à Matt Smith qui était le dernier docteur. Et ben on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner comme style de docteur, parce que veut pas, lorsque le docteur meurt, il se régénère avec une nouvelle personnalité et donc un nouvel acteur. Et j'ai bien hâte de voir, parce que moi je suis en train de finir Matt Smith, là, je suis rendu avec avec David Tennant. Je m'en vais avec Matt Smith et j'ai vraiment hâte de je vais me rusher les Doctor Who pour pouvoir arriver à Peter Capaldi, juste pour voir quel genre d'acteur que ça va donner. Quel genre de docteur ça va donner? Il va falloir que je m'y mette un jour là-dedans. Quoi? Ouais, je vais regarder une autre série avant, moi. Moi, je te conseille de commencer avec le prochain docteur. Ah ouais? Commencer? Ouais. Pourquoi? Parce que faire du backlogging de Doctor Who, ça marche pas. Il faut que ça soit ton docteur. Il faut que tu commences une série qui vient de commencer. Il faut que ça soit ton docteur. Tu dis, ah, moi, mon docteur, c'était le gars, là, il était fou vieux, là. Tu moi, j'ai commencé avec David Tennant. Quand j'étais allé checker les épisodes avant, je dis, ah, c'est pas le docteur. C'est ça. Mais je t'avoue. Okay. Comme moi, j'ai commencé avec Christopher Eccleston, le 9e. J'ai fait, c'est pas le meilleur. Mais quand j'ai embarqué dans David Tennant, j'ai comme, ah, il est malade, ce gars-là, là. Toutes les petites références de la culture geek qu'il rajoute, là, c'est comme tu pars à rire. Puis ça paraît que ce gars-là, il adorait Doctor Who parce que c'était un gros fan de Doctor Who avant qu'il embarque. Fait que c'est le fun de voir un fan qui joue un personnage qu'il voulait jouer. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. Avant de se lancer dans notre topic, on va aller voir notre monde qui vient nous jaser sur YouTube. Fait que Marie, je vais te laisser choisir des discussions que le monde en jase. Oh boy, il y en a pas mal. Je sais pas où est-ce que vous étiez rendu dans les conversations de fans, par exemple. J'avais manqué un petit bout. De quel... Je pense qu'on est rendu à George VI qui dit Marie avec qui? D'accord. Il y a George VI qui te demande tu t'es marié avec qui, Sylvain? Ben, avec ma blonde. Ah bon? C'est un petit peu logique, tu sais. Il y a David Saillon qui a dit la même affaire. Avec sa femme. Quelle question! sinon, à part... Ah, c'est un Monsieur Setter, si je lis comme faux, qui demande à Big Ben, t'as acheté pour combien de jeux sur Steam? J'ai acheté 5 jeux pour à peu près 30$. Ce qui est très bon. Très bon. Ça m'aurait coûté quasiment 100 piastres si j'aurais acheté séparément. En normal. Félix Saint-Jean demande, en parlant d'arnaque, que pensez-vous des zoomies? C'est quoi ça? Je connais pas. Quand est-ce qu'on a l'air de demander de ouais, on n'a pas l'air renseigné ben en doute, là, mais... Zoomies, c'est pas une série TV ou des... Ah non, c'est les... C'est les lunettes, là. Hey boy! Ah, oh, les fucking ça. Lunettes, les poches, là! Ouais, les fucking lunettes poches, okay, là, qui marchent pas moitié, là! Non, je dépasserai pas. Ok, écoutez-moi bien, là, tout le monde, écoutez-moi bien, là. C'est bien important que vous sachiez que tous les produits annoncés à la TV, en général, c'est de la calice de merde! Exactement! Souvenez-vous du clavier Easy Eyes? Il est rendu à ce temps chez Dollarama, sans du tout. Non, franchement, là, tenez-vous loin de tout ce qui est pub à télé. C'est pas pour rien que les pubs passent juste à la télé, là. Ils veulent pogner un public aussi, plus, mais... plus vieux. Ouais. Il avait un marte après. Autre chose, Marie? Oui, quel Smokra, je suis en train de massacrer les noms, je suis désolé. Quelqu'un a joué à Tales of Xillia? Eh non! Nope. Ça, c'est le nouveau Tales sur PS3. Oui. Moi, j'ai acheté Tales of Vesperia sur Xbox 360 et il est toujours emballé neuf et j'ai pas eu le temps de jouer encore. Oh! Eh non! Nous sommes des gens tous bien occupés. Oui, oui, malheureusement. Mais on va y arriver à un moment donné. Sinon, autre chose, Marie? Je cherche, ça sera pas bien long. Maxime Saint-Gelais dit, je trouve que la jouabilité des vaisseaux est meilleure dans Star Wars Shadow of the Empire que dans Rogue Squadron. Je te dirais que pour la partie seulement de des... comment on appelle ça? Le style de vaisseau des neiges, là. Ah. Oh my god, ouais, quand on voit sur... Dans Shadow of the Empire, le premier tableau, dans la neige, c'est vrai, ils sont meilleurs. Mais après ça, lorsqu'on est dans l'espace, dans le dernier tableau, là, je trouve qu'il va mal. J'aime beaucoup mieux la jouabilité du vaisseau dans Rogue Squadron pour le reste. Mais s'il y aurait eu la jouabilité du Shadow of the Empire, pour ce qui est du premier tableau, ça aurait été génial. Autre chose, Marie? Il y en a beaucoup. Voulez-vous que je mette juste les meilleurs ou toute la gang au complet? On va être les meilleurs, mettons. Ouais. D'accord. George 4 qui dit elle faut avoir le physique d'un rockstar. Hein? T'as le physique d'une rockstar. Ok, on va faire. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va faire un crossover avec les accros, puis on va tout faire Gangnam Style, puis c'est lui qui va le chanter. Non. Juste non. C'est pas tant une rockstar, c'est plus une popstar. Ouais, mais on va tourner ça rock un peu. Une petite Ok, petite je vais me détacher les cheveux, je vais mettre mes lunettes de soleil, puis on va faire l'hélicoptère. Right. Ça marche. Autre chose, Marie? Il y a Philippe Saint-Jean qui dit « J'ai entendu dire qu'une nouvelle série de Star Wars sera produite, dont la série Star Wars présentée sur ABC et une autre animée sur Disney. » C'est pas officiel. Je peux te confirmer, c'est pas officiel. J'essaie de me tenir au courant. Sinon, à part de ça, je regarde moi aussi de mon côté pour essayer de t'aider, Marie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour à USA Piss du 666 qui... Bonjour! Il est présentement 2h45 ce matin chez lui en France. Oh, wow! Merci de nous écouter, hein? Je te lève mon pouce. Hey, sérieux, il y a beaucoup de monde sur YouTube à soir. Je pense que non seulement nous autres, on avait hâte de recommencer, mais... Le monde s'ennuie, nous autres, je pense. Ouais. Ben, sur Twitter, on a beaucoup de... On a quelques re-bienvenus, puis que ça fait du bien de revoir le podcast des accros. Ben, merci beaucoup, la gang de Twitter. On vous oublie pas non plus. On pense à vous autres. Sinon, écoutez, ça jase. C'est vraiment le fun de vous voir autant jaser là, ce soir. Là, ça fait du bien. Je pense qu'on s'est tous manqué. Ah oui. Ah oui. Oui. Fait que, sinon, à part ça, je regarde rapidement sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a? Quel mocra dit que Call of Duty c'est de la shit? Je suis d'accord. On va starter même si j'ai pas joué. Flame War! Et Monsieur Satter dit que les seules consoles que j'ai eues, c'est des Nintendo et du PC Gamers. C'est correct, ça. Correct, reste de même. C'est bon. Sinon, à part de ça... Ah, on a une question de la part de Maxime Saint-Gelais. Il nous demande, pensez-vous qu'un jour ils sortiront une console qui se serviront de la cartouche comme la N64 avec la rapidité des SSD, ça devrait être possible? Non. Non. Non. Non. Ça s'en va tout du nuage. Pourquoi non? Hein? Moi aussi j'aimerais ça. Moi je partage ton rêve, mon ami. Ben moi tout. J'aimerais ça avoir encore des cassettes, mais les compagnies, ils veulent avoir du contrôle, ils veulent avoir du maudit cloud gaming. Cartouche, ça coûte cher ça là, faire ça. Une belle cartouche avec un petit autocollant dessus, là. Non, mais c'est beau! Ça serait cool de faire ça comme genre bonus de pre-order, là, mais vraiment faire le jeu là, qui marche à la console. Là. Il avait pas fait ça dans le temps avec les Mega Man 9? Non, c'était juste une boîte avec un CD dedans. Ouais, mais avec DuckTales Remastered, par exemple, il sort 150 copies. Ouais, puis ils l'ont mis dans une cartouche dorée. Là. Ouais, puis elle fonctionne sur une NES. Ouais. Oh, man! Oh, wow! Puis je suis comme plus tard, là, j'aurais toute mis ma fortune familiale là-dessus. Fuck le mariage, on aime ça. On va avoir une DuckTales dorée, chérie. Oh yeah. Ta bague, je vais aller la chercher dans un Dollarama. Faut être content, je vais te gâter, ma chérie. Oh, c'est les tableaux qui comptent. Ta robe, je pense que tu vas aller la chercher chez Renaissance. Hey, faut pas rire, là, parce que nous autres, on a acheté ça cheap, là, nos affaires. Là. Je sais, mais pareil, là. Tu sais, le cheap, puis très cheap. T'sais, ouais, ben là. J'en ai vu des mariages très cheap. Crée-moi. C'était désastreux. J'ai une petite expérience de travail. Bon, sinon, à part ça, je regarde rapidement. Bon, vas-y, Marie. On peut partir le bal sur les RPG. Non, Marie, elle a une autre question. J'ai une réponse à dire à Philippe Saint-Jean qui dit « J'aimerais voir un jour un WoW avec que des personnages féminins. Ce serait le fun. » Je suis pas sûre que ça serait complet, moi. Un World of Warcraft avec que des personnages féminins. Ce serait quoi l'intérêt? C'est ça. Ouais. Ça serait très... Ben, ça serait trop redondant, ça, à un moment donné. Non? Je vois pas En tout cas, je vois pas pourquoi qu'on ferait ça. Aucune idée. Que de l'inverse apporterait rien. Avec, pourquoi dans tout ce qu'on verrait, ce serait de la non-couverture de femmes. On s'entend à ça, là. Les armures de femmes, on sait c'est à quoi ça a de l'air. Un bikini. Ouais, voilà. Il va juste avoir des espèces de pervers là. C'est ça. Ouais, j'avoue aussi. C'est ce que je vois. Hey, on a une fan de Doctor Who qui nous écoute en ce moment. Wouhou! Bonjour! C'est une tripeuse de Doctor Who de Glee en plus, alors. Qui dit, moi, juste dire que ça va faire bizarre car Peter a déjà joué dans Doctor Who et en plus dans le spin-off de la série qui est Torchwood. Donc, j'attends de voir à Noël pour voir les quelques minutes. Je te l'accorde. S'il a déjà joué dans Fire Pompeii qui est le deuxième épisode de la saison 4 avec David Tennant, parce que je viens de la finir, c'est pour ça que je suis un petit peu au courant. Mais oui, je le vois un petit peu comme du style d'acteur. J'espère juste qu'il va apporter une belle personnalité au personnage du docteur. Alors, je pense qu'on peut embarquer dans notre sujet. Ben oui. Ça vous tente? Avant toute chose, les accros, en fin de semaine, samedi, moi, Marie-Lune, Antithèse et Testeur Alpha, on va être présents à l'Otakuton 2013. Wouhou! Probablement qu'on va être là à partir de 10h, 11h le matin jusqu'à l'heure du souper, 5-6h, peut-être un petit peu plus. Et il va y avoir également Shadix qui va être avec nous. Donc, si vous passez à l'Otakuton, ça vous tente de venir nous dire un petit bonjour si nous vous voyez, venez nous le dire. Puis là, soyez pas gênés, là, la gang. On n'est pas gênant pour 5 sous. C'est en plein ce que j'allais dire. Empêchez-vous pas en vous disant, ouais, mais ils vont peut-être me retourner, ils vont me prendre de haut. Non, non, non. Je suis gêné, je veux pas aller les voir, pas, je veux pas les déranger. On n'est pas comme ça. Non, puis si vous voulez absolument nous voir, puis vous voulez vous assurer qu'on vienne, écrivez-nous en privé dans nos messages privés, soit par nos channels YouTube ou bien par accrodesjeuxcommercial@gmail.com et demandez-nous de nous rencontrer. Puis on va faire une petite rencontre, on va faire, OK, vers une heure, on se place devant les escaliers, tu viens nous rejoindre. Puis on va t'accueillir, puis on va faire tout ce que tu veux. Si tu veux qu'on tourne une petite vidéo pour toi, go for it. Si tu veux qu'on te donne un, si tu veux un autographe du célèbre testeur alpha, tu vas pouvoir, tu sais. Ou ouais, tu veux un... Moi, je demande des danses en échange, des gigs, là. Moi, j'aime beaucoup les gigs. Fait que si vous voulez un autographe, faut me danser une gig, OK? Très original. Moi, je veux un câlin. Je veux un câlin, bon. Je veux pas ma carte de câlin. Oui, juste en arrière de toi. Elle est juste en arrière de toi, Marie, en plus. Elle est là. Da-da-da. Free hug. Fait que non, c'est ça. Si vous voulez absolument nous voir, allez-y, ça va nous faire plaisir. Puis on va vous dire un petit bonjour. Ça va être vraiment cool. Alors, sinon, à part ça, on a aussi Patricia qui dit ça fait du bien de revoir le fameux podcast des accros des jeux. Vous m'avez manqué. Oh, c'est gentil. Merci, Patricia. Good. Alors, on embarque. Avant toute chose, également, vu qu'on a parlé de l'autre texton, je vais également parler du Comic-Con. On est présent cette année encore. Ça a lieu du 13 au 15 septembre 2013. Moi et Tester Alpha avons également une table chacune. Donc, si jamais vous voulez passer nous voir, vous voulez acheter des t-shirts de Tester Alpha, vous voulez jaser avec Tester Alpha, ou vous voulez acheter des pixel art à nous autres, ou des produits dérivés des accros des jeux, ça va être tout présent. Alors, gênez-vous pas, venez nous dire un petit bonjour au Comic-Con. Puis, il y a des gros acteurs cette année qui y vont, hein. On parle de Carrie Fisher, on a notre chère et adorable Felicia Day. Felicia Day, bitches! Qui est vraiment... Luke Allegri pour Retro Gamer. Oui, aussi. C'est vrai. Et ben, venu juste pour lui. Gillian Anderson. Elle est très belle, Gillian Anderson, encore. C'est fou. 45 ans, écoute. Elle paraît très bien. Absolument, elle se met en forme. Et pour Marilyn, il y a aussi Didier Lucien. Alors, tout le monde trouve de quoi. C'est mon Bob. Il y a aussi François Pérusse, là, je tiens à dire. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que Beta voulait le voir, hein. Qu'est-ce que c'est ben, on voir. Est pas mal tous fans de François Pérusse, là. Fait que, je pense que je veux dire que Pérusse a une influence sur toutes nous autres. Ouais. Ouais, clairement. Ben, en tout cas, sur mon show, là, je vous le dis, là, François Pérusse est quand même une source d'inspiration, là. Juste les jeux de mots, là, on a... Oh, ouais. On sort des fois un mot, puis je pense que la gang ensemble, on se sort un sketch de François Pérusse ensemble. 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3, fait que c'est ça, soyez présents, venez nous voir, on va être là vraiment à partir du 13 au 15 septembre, on va avoir notre table chacun, Tester Alpha et les accros de jeu, donc passez nous voir, ça va être vraiment cool. On va embarquer dans notre sujet, on va jaser d'RPG. Ça fait déjà 1 heure, puis on commence le sujet. On commence. Pas fini. On avait beaucoup de choses à jaser, veux pas. Ben ouais. Ça va être quand même un mois qu'on s'était pas rencontré comme ça. C'est ça, on était dû, là. Oui. Et il était temps qu'on jase avec vous autres, les accros, puis qu'on fasse un podcast. Parce que, veux pas, on s'était quand même retenu pendant un mois. Il y a même des fois, on dit, on en fait un à soir. C'est comme, non, on peut pas. Pas assez de temps pour l'annoncer. C'est ça. Mais là, on est là à soir, puis on jase des RPG. Je vais commencer à vous demander, la gang, comme première question, c'est quoi votre premier jeu que vous avez joué en RPG? Moi, je m'en souviens, c'est Secret of Mana sur le Super Nintendo. Moi, c'est Dragon Warrior. C'est également Dragon Warrior. J'ai pas toffé ça pendant 5 minutes, j'ai retourné le jeu. C'était pas facile quand même, faut le dire. Là. Non, c'est gratuit avec Nintendo Power. Même à ça. j'avais pas ni j'avais ni la même patience ni la même passion pour les explorations que j'avais que j'ai là. C'était quand même du grinding là, tu sais. Non mais c'est le premier RPG sur console. Ah non, c'est ça se comprend, mais c'était pas les premiers à porter tout le monde, c'est sûr. Mais c'est pas un des premiers, c'est le premier sur console. Non, c'est Atari. Il y avait des jeux de Dungeon. Non. On parle de RPG, là, où tu sauves ton personnage, tu lui montes tes stats, puis tu te le quittes, là. Non. Dragon Warrior, c'était Dragon Quest, c'était le premier, parce qu'il était même avant sur une autre. Il était sur Commodore, et puis il était sur d'autres consoles. Là. Là-dessus, il retrouve, je veux juste te répondre, en disant qu'il y a eu que des text-based RPG existaient. Non, ça compte pas. Je parle de consoles modernes. Ah, ben, c'est ça, là. Change donc, j'enlève les règles pour ta Text-based, là. C'est, tant qu'à ça, je vais dire, il y avait des RPG avant, là, sur table, là, avec un crayon pis du papier. Oui, on est comme ça. C'est ce qui peut inclure, mais pas limité à un PC. Mais oui, effectivement, je pense que là-dessus, Retro a raison. L'argument est, il a raison. Dragon Warrior 1 est sorti en 89 et Final Fantasy est sorti en 90. Est-ce que je me trompe, Retro? Dragon Quest est sorti en 1986 au Japon. On parle au Nintendo. Ben, c'est ça, Nintendo, Famicom. US. US, ouais, possible. 89 pour Dragon Warrior. Ouais. Merci. Il est sorti avant. Je me sens compris, yes. Oui, mon bêta. Excusez, c'est un insight de moi et Antithèse me dit, ben oui, je suis le bêta de Ben. Non, dis rien! Marilyn, toi qui es une joueuse plus récente, quel est ton premier RPG? C'est drôle, hein, mais c'est pour une critique que je l'ai joué. Ah ouais, Zelda Phantom Hourglass. C'est mon premier RPG que j'ai joué. Peux-tu considérer ça comme un vrai RPG? Catégoriquement, c'est un jeu d'aventure, sauf que comment on peut définir un RPG dans le fond? C'est quand tu peux leveler tes stats? Ouais, moi c'est toujours ça que j'ai vu ça. C'est comme ça. Je pense qu'il y en a un autre d'abord qu'on pourrait dire, Marie, ce serait Chrono Trigger. Ah, c'est vrai. Ben oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé? T'as fait une critique sur Chrono Trigger, Marie? Ben oui, j'ai fait une critique. C'est moi qui ai conseillé à Marie de jouer à Chrono Trigger. Parce qu'elle était passée au magasin que je travaillais, puis elle me demandait un jeu à jouer, puis moi je l'avais dans le comptoir, je l'avais pas acheté encore, je disais, Marie, tu devrais jouer à ça, selon moi tu vas capoter. Puis comme de raison, c'était une de ses meilleures critiques. Ah, merci! Ouais, sérieusement, là... On le dit tous. Oh oui, c'est une excellente critique qu'elle a faite, Marie, puis Chrono Trigger, c'est un must si vous l'avez pas joué encore, là. C'est vraiment hot. Moi, je vous avouerais que... avoir vraiment, vraiment joué à un RPG, mon premier, là, c'est Final Fantasy VII. J'étais trop jeune... J'ai découvert plus tard les jeux RPG parce qu'auparavant je faisais juste Mario, Shooter, Shmups. C'était ça moi mes jeux avant. Puis c'est lorsque j'ai vu la bande-annonce de Final Fantasy VII à télé, à l'époque qui était comme promu comme un jeu révolutionnaire sur la PlayStation, que j'ai fait « j'ai envie de jouer à ça ». Puis il y a un de mes chums, François, qui m'avait dit « ben je vais demander à mon père pour Noël ». Puis il l'a eu, puis il a comme jamais joué au jeu parce qu'il aimait pas ça. Mais moi, j'étais à fond dedans, j'étais comme... Puis, j'étais toujours chez lui pour aller jouer au PlayStation. Et ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a approché dans le RPG? Qu'est-ce que vous aimez dans les jeux d'RPG? Moi, personnellement, c'est le fait qu'on peut leveler un bonhomme. J'ai vraiment l'impression que je progresse quand je level up. Ça me rend tout content, puis là, ça me donne le goût, tu sais, je vais faire un autre level, puis... C'est vraiment, ça donne quelque chose de plus personnel, de plus... Ben de... oui, yeah. Ben oui. RPG, hein. T'as l'impression de contrôler un petit peu plus le jeu dans lequel tu joues. Dans le sens, ou ton personnage que tu joues. Mm-hmm. Ou te faire guider par une histoire aussi. Oui. Moi, c'est ce que je trouve, surtout dans les jeux RPG, ce qui est fun comparé à, par exemple, en Call of Duty, c'est que t'es vraiment investi d'une histoire qui pourrait être dans un livre, point! Call of Duty, un livre, je pense que ça serait un livre d'images de 20 pages. Un livre d'images. C'est vrai, c'est ce que j'imagine. On sent qu'un... Moi, j'imaginerais un livre... J'imaginerais un livre de Final Fantasy, là, ça serait une break de 600 pages. À peu près. Pour moi, ce serait ça une histoire. C'est vraiment ce qui me fait rentrer dedans. Ce qui me fait capoter. Sylvain, ton avis, on n'a pas eu, là? T'as pu recommencer. Qu'est-ce qui t'attire dans les RPG? Qu'est-ce que t'aimes dans les RPG? C'est l'histoire, puis le fait que tu peux passer beaucoup de temps à leveler tes personnages, les upgrader, puis... Si tu veux toujours aller voir la suite, ça te tente tout le temps d'aller dans une zone puis là commencer à grinder pour voir la suite de l'histoire. Est-ce que tu penches la même idée, Marie, par rapport à ce que Sylvain a dit? Et justement ailleurs, désolé la question. Tout ailleurs. Tout fumeux, je vois. Méchant. Non, pas moi. J'ai juste mangé un cornet. Moi, c'est juste du thé, désolé la gang. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais ouf. Il y avait de l'herbe. Je sais pas quelle sorte. Bon, ben là, pendant que vous divaguez, moi, j'ai une question qui vient du chat YouTube. Oh. C'est USA Piste du 66, en tout cas. Le français qui nous écoute, puis il est 2h30 chez eux. Il nous demande, êtes-vous plutôt JRPG ou RPG? Western RPG, qui veut dire? Ben... Ouais. J'aurais tendance à dire, oui. Dans le fond, ça doit être JRPG mm-hmm. ou Action RPG, là. Mm-hmm. Ouais, mais ça sort la catégorisation, c'est Western RPG. OK. Est-ce qu'on peut développer les accros sur chacun des deux types? Parce que je sais pas si c'est tout le monde qui merci, nous écoute parce que moi, je qui connaît bien la différence entre les deux. OK, je vais faire une différence, je vais l'interpréter. Un RPG Western... C'est fait souvent par les compagnies américaines ou occidentales. Ça inclut également des mondes fantastiques plus médiévales. Tandis que le JRPG, qui est un monde japonais, qui est donc conçu normalement la plupart du temps au Japon, a des jeux de RPG qui sont très... pas linéaires, comment vous dire ça? Une histoire beaucoup plus développée, beaucoup plus ouverte. Et également, ça peut être axé énormément sur le futur. C'est ça que je peux vous dire. Moi, j'aurais quelque chose quand même à... Oui, vas-y. Là-dessus. Les JRPG, c'est ceux qui sont responsables, si on veut. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. C'est eux qui sont responsables du style RPG qui, dans les combats, c'est du tour à tour. Oui. C'est comme dans les Final Fantasy, ça, c'est des JRPG parce que c'est... un à suite de l'autre. C'est pas un combat en temps réel, c'est du tour à tour. Mm-hmm. Le tour à tour est la base de tout RPG, même sur table. Non, pas tout, non. Ben, Secret of Mana, c'est pas du tour par tour, puis c'est un excellent RPG. Ah bon? Ben non. Ben oui, c'est un aspect de waiting time. Oui, mais... Ouais, tu frappes ton épée, puis des fois, tu frappes dans l'autre. Non, mais ça n'a rien à voir avec le Final Fantasy tour à tour, là. C'est même pas comparable, là. Sinon, à part... parce que moi, j'inclus également, surtout les Américains, c'est beaucoup de action RPG, je pense par exemple à Morrowind, ou à la plupart des Elder Scrolls, ou bien les Fallout, qui sont aussi des jeux tactiques... qui sont plus orientés action, je te dirais, là. Je vois plus ça aussi, là. Ouais. En tout cas, bref, pour répondre à la question de USA Pisted du... En tout cas, lui. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai de la misère à me pencher. Disons que j'aime aller jouer d'un côté puis de l'autre, ça, c'est rafraîchissant. Là. Parce qu'il arrive avec les JRPG, les combats tour à tour, des fois, moi, ça me finit par me tomber sur les nerfs, c'est trop long... mais d'un autre côté, ça a des bons côtés. Fait qu'on pourrait dire que t'es BRPG d'abord. Ouais, je suis B, ouais. Ito 2. C'est ça. Sylvain, ton côté? Moi, j'ai toujours une préférence pour les JRPGs. Je trouve que les Western RPGs sont trop futuristiques, dans le sens que, tu sais, comme Fallout puis des affaires de même, je trouve que c'est ordinaire. Ça mène pas d'imagination pour moi dans ma tête. C'est pas fou. Tu sais, je suis comme resté dans l'époque des combats avec les dragons puis les monstres puis les affaires de même. Tu sais, c'est plus genre ça. Tu sais, j'accroche pas ces RPG futuristiques. Puis la plupart des Western RPG, c'est ça. Peut-être sauf là, les affaires comme Skyrim puis les trucs machin. Là, mais c'est trop. Ça a l'air trop vrai pour moi puis ça m'énerve. Moi, les affaires comme Skyrim, là, c'est ça. C'est trop réalistique, puis moi, je veux pas du réalistique, je veux des affaires comme animées, je veux des cartoons, des affaires de même, moi j'aime ça de même. C'est ça, c'est notre côté nostalgique là, qui parle, là, je pense. Oui. Antithèse? En fait, parce que rétro, tu t'aimerais beaucoup, même si c'est une approche très tactique, Project Cross Zone. Mais ça va être moi aussi, je suis également plus JRPG pour l'aspect. Pour reprendre mes deux collègues, l'imaginaire est plus immersif dans un JRPG que dans un RPG normal. Souvent aussi le JRPG va plus miser sur l'extraordinaire comparé au RPG. Oui. Les Western RPG, c'est trop terre à terre. Le JRPG va, mais aussi, puis ça va, je sais pas si ça va marquer, le JRPG, mélange de plus en plus les tendances justement de séquences d'animés japonaises. Avec raison, c'est sûr. Mais le mélange des cultures, ça fait assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je te dirais que c'est pas, comment dire, un JRPG. Ben, les JRPG se sont beaucoup évolués en, je te dirais, depuis 5-6 ans. Là. Ah, mon Dieu, oui. Je te dirais que moi, surtout depuis FF13, j'ai l'impression qu'ils ont comme tellement eu un coup de pied dans les culs qu'ils ont fait comme OK, faut qu'on change. Moi, c'est ça que j'ai vu dernièrement. Je pense à Ni No Kuni, qui est un jeu extraordinaire, là. Ils ont vraiment reparti sur leur base, là. Puis d'aller chercher en plus la gang qui ont fait Totoro. Mettons, ça l'a aidé. Ça, c'est un jeu que je veux faire essayer à Mary, m'emmener. Ouais. Je pense qu'elle va aimer ça, Ni No Kuni. Marie, je pense pas pouvoir te poser cette question-là, parce que t'as très peu joué à des RPG, faut se l'avouer. Malheureusement, j'ai pas beaucoup joué, Fait que je vais embarquer plus tard avec une question pour toi. Pas trop. Moi, de mon côté, je vais y aller avec je vais y aller avec le Western RPG. J'aime beaucoup surtout depuis Skyrim ou Mass Effect, je trouve que c'est ce genre de jeu-là qui m'a touché un peu plus. Pourquoi? Peut-être parce que l'action dedans me donne... J'aime beaucoup plus l'action dedans. Le tour par tour, comme disait le testeur Alpha tantôt, il disait qu'il commençait à être tanné. Moi, j'étais des années à jouer à des Final Fantasy, à jouer à des tours par tour, que là, à Star, je joue à Skyrim, puis je vois le fucking dragon devant moi, puis je sais que je trouve j'essaie de le battre avec mes propres moyens, sans avoir une équipe complète. Je sais pas pourquoi j'aime ça, lancer mon tourum sur eux, ou bien dans Mass Effect, d'avoir des choix moraux en plus à décider. C'est pour ça que je sais pas. Les Western RPG, pour moi, me viennent plus me chercher, mais je suis quand même un gars qui adore les JRPG. En fin de semaine dernière, vous pouvez demander à Mary, je me suis tapé des games de Final Fantasy VI pour me préparer au tour. Exact. Excellent jeu. Et oui. Pour moi, c'est véritable. Tu sais, j'ai pas de problème à switcher. Je parais comme Tester Alpha. Je suis vraiment un BRPG. Je suis quelqu'un qui va toujours aux deux. Puis j'aime bien ça, sérieusement, les deux bords. Mais j'ai une petite préférence en ce moment pour les Westerns. Mais ça peut changer, on ne sait jamais. Sinon, on va y aller. On va te chercher les questions, Marie. On va chercher quelques questions parce que le monde nous jase beaucoup ça. C'est vraiment fun. Ah, c'est vraiment cool. Vous jasez beaucoup. On réveille les passions aujourd'hui. Ouais. Je vais commencer avec Kev Mokra qui me dit mon premier RPG, c'est Paladin Quest. J'ai jamais joué à Paladin Quest. Pas Nintendo, puis c'était. De mémoire, c'était assez dur. J'ai jamais joué, je dois t'avouer. Ouais, il me semble que j'ai déjà joué, ouais. Par exemple, c'était assez chiant plus comme RPG parce que c'était pas exactement clair ce qu'il fallait faire. C'était vraiment aussi clair que The Seven Saga. Ok. Marie, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui dit que Pokémon, c'est leur premier RPG. Oui, j'ai lu ça moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai pas joué à Pokémon. j'ai vu plusieurs personnes jouer à Pokémon, mais moi, ça m'a pas attiré comme tel. Là. Mais on a Philippe Saint-Jean qui dit que Pokémon Rouge sur PC, c'est un de leurs premiers jeux RPG. Puis ouais, c'est ça là. J'en vois d'autres. Et on me rappelle que oui, Phantom Hourglass, c'est pas un RPG. Je suis désolée. Ben non, c'est pas grave. Non, parce que c'est encore une question que bien des gens se demandent. Est-ce qu'un Zelda est considéré comme un RPG? Puis ça fait 20 ans que le monde se pose encore la question, puis c'est encore pas mal séparé. Alors, disons que c'est au moins RPG-like. C'est ça. Au moins. Autre chose, Marie? Oui, est-ce que vous connaissez les nombreuses caractéristiques des personnages dans les RPG? Philippe Saint-Jean qui demande. C'est ça la chose. Ouais. Mais c'est parce que ça dépend, c'est comme toute histoire. C'est très vague là, comme question. C'est très vague, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Tu sais, un personnage, là, c'est autant comme dans un film ici, là. On faut présumer que t'as un personnage qui peut vivre des tonnes d'émotions, puis t'as une palette infini d'émotions ou de caractéristiques d'un personnage qui font que... Qui a un background. C'est ça. Écoute, je peux pas vraiment répondre à ta question, là, mais là-dessus, c'est... C'est une question sans réponse. Parce qu'on on finirait pas avec... On n'aurait pas ce temps avec juste un podcast. Non, c'est ça. Mais non. TJ55 dit que mon premier RPG était Mario RPG sur SNES. Très bon jeu. Excellent. Ça, c'est un jeu que j'aimerais essayer sérieusement. Ah oui, écoute, vas-y, Marie. Là, je n'ai que du bon à dire de ce jeu-là. C'est incroyable. Je l'ai eu gratuit pour ce du Club Nintendo. Marie, je l'ai sur la Wii. Si jamais tu veux y jouer, je l'ai. Et voilà. Ouais. Ça, ou bien des valises antithèse, là. Est-ce qu'il l'a eu gratuit, de toute façon, ça ne dérangerait pas qu'on y vole, non? Don't you dare! sinon, à part ça... Il y a David Bonneau qui dit que son premier RPG à vie, c'est Dragon Warrior 3. Puis il dit que la Super Nintendo, c'était la console parfaite pour tous les RPG. Le JRPG. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a des... Ils sont tous excellents, là. On a Georges VI qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des D&D RPG, qui sont les Dungeons & Dragons RPG. Moi, je suis un joueur de Donjons & Dragons, fait que c'est comme j'aime ça, mais les jeux, je les trouve... J'ai pas autant de fun. Hein? Non. Là, on parle des jeux vidéo, là. Les jeux vidéo de Donjons & Dragons. J'ai tellement pas joué à ça, là. Ça tombe bien parce qu'il y en a, il y a deux jeux que oui, il y a Spoonie puis James Rolfe qui ont testé de Donjons et Dragons que je pense que t'aimerais. Peut-être, mais je te dirais qu'il y a encore bien des jeux que, écoute, j'ai joué à une couple là, puis j'ai comme pas vraiment trippé. Le seul que je tolère, c'est Baldur's Gate, que je trouve bon, mais j'ai jamais tant trippé que ça. Parce que je trouve que le jeu est très difficile. Tu sais, puis moi, je suis le genre de gars qui aime pas voir ses bonhommes crever. Fait que, au moins, bon, je suis. Attachement, puis là, soudainement, une piste note, il meurt, même si t'as des stats de Zeus. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase de l'aubergiste? De plein. Fait mon que... auberge est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Moi, ça m'avait marqué, bon. C'est marquant aussi. Étonnamment, je suis capable de me dire la version anglaise dans ma tête. Mm. C'est bon. On a David Bonneau qui dit que les vrais bons JRPG sont pratiquement tous disparus. Il y a encore la série des Tales qui sortent des suites, sinon le style JRPG désuet, dommage. Je t'avoue que moi, je n'ai pas... j'ai jamais embarqué dans les Tales. Moi, oui, je te dirais. Mm. Personnellement, Tale of Destiny, Tale of Phantasia... Moi, je trouve qu'il manque de temps dans une journée, là. Non, mais... Je jouerais à tout ça, c'est bien sûr, mais Colin... On prendrait les journées de 35 heures. Là. Il y a 24, il faut en dormir au moins 6. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a 18. Yeah. Fait que... Fanon Games RPG 91 dit mon RPG préféré c'est Final Fantasy 13. Il y a des fans. C'est correct. Moi j'ai comme pas trippé dans Final Fantasy 13, j'ai beaucoup plus aimé Final Fantasy 6. Yeah. Usapis du 6-6 dit que le premier RPG qu'il a joué c'est Final Fantasy 9. Qui est très bon en passant. Bon choix. Très bon choix. Oui. Très bon jeu. Fait que on va venir entre nous. Je me demandais, qu'est-ce qui fait que on a vu une progression des MMORPG dernièrement, surtout on a jasé tantôt de World of Warcraft, mais pourquoi que le monde a tant accroché sur les MMORPG? Comparativement à des RPG normaux. Socialisation bizarre. Le monde qui est extrêmement vaste souvent. C'est la même chose de pourquoi que Facebook et Twitter fonctionnent. Hey, tu pouvais jouer online avec tes amis. Ça, c'était cool, plein là. De monde. Moi, quand WoW c'est sorti, j'ai embarqué là-dessus pour jouer avec mes amis, là. En 2004, j'étais jeune d'abord, là, fait que... T'es encore jeune. Ouais. t'avais l'âge pour jouer, t'étais correct. Ouais, c'est correct. Ouais. Jouais-tu sur les serveurs français ou les joueurs anglais, les serveurs anglais? J'ai toujours joué sur américain, moi. Ok. Comme nous autres. Ils l'ont tué l'affaire, les Américains. T'es une big asti! Toi, Marie, qu'est-ce qui t'a accroché dans ce genre de jeu-là? Ce qui m'a accroché, sérieusement, c'est le fait que, justement, le monde est super vaste, que tu peux quasiment forger ton propre personnage, ce que j'aimais, que je pouvais évoluer à mon propre rythme sans être trop... Poussé dans le cul. Poussé dans le cul, exactement. Puis, ben, je dirais que moi, ce style-là m'a beaucoup accroché parce que j'ai embarqué dans un univers qui était complètement différent pour moi au départ. Quand j'ai commencé à jouer à World of Warcraft, j'ai comme fait, OK. Mais je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de Big Ben dans ça qui jouait devant moi puis qui m'a beaucoup intrigué à jouer à World of Warcraft à la base. C'est les autres qui m'ont entraîné à jouer. J'ai juste montré la porte, j'ai pas poussé. Non, je sais bien. Il me dit, ça serait le fun que tu joues toi aussi. Il y a un tel qui joue aussi. On pourrait jouer tout le monde ensemble. L'effet d'entraînement, la sociabilité. Mm-hmm. Mais est-ce que tu m'en veux de t'avoir fait rentrer là-dedans? Pas vraiment. C'est juste que là, je suis capable de plus contrôler. Ma dépendance à World of Warcraft. Ce qui est bien. Et pensez-vous que l'avenir s'en va vers la mémoire RPG parce qu'il y a pas mal de monde qui s'en vont là-dessus? Puis on dirait que les RPG normales, il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Oui. Au Japon, il y en a des tonnes. Mais ouais. Dire que c'est l'avenir, c'est peut-être un statement un petit peu poussé, là, mais. C'est certain qu'il y en aura toujours pour tous les goûts. Puis que... Ben, faut aussi penser à l'effet WoW, l'effet Maple Story, l'effet League of Legends. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que on aime ça. Les gens aiment ça. Oui. L'avenir du RPG normal, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Tant qu'il va y avoir des fans, et Dieu sait que les RPG et les JRPG vont toujours avoir toujours une excellente légion de fans, vont encore continuer. Excusez-moi, qu'il va faire par exemple qu'ils vont continuer à avoir des RPG. Mais là, il faut aussi trancher sur la question si c'est vrai que la complication dans les RPG, là, je vis les Final Fantasy 10 en montant, ou la simplicité dans d'autres que là, j'ai. Malheureusement, pas de titre en tête, mais surtout des jeux courants. C'est où qu'il faut trancher pour garder l'intérêt des joueurs? Je te dirais, parce que t'as vraiment une clientèle qui est hardcore, qui aime ça le compliqué, puis t'as une clientèle qui aime aussi le plus simple. Faut approcher ton monde quand même pour que ces gens-là puissent embarquer. Alors, ça devient difficile un peu de contenter les deux. Le seul jeu que je vois qui a fait plaisir quasiment aux deux bords, pour moi, c'est Kingdom Hearts. Tu vas jamais plaire à tout le monde, là. Peu importe ce que tu fais, mais il y a quand même façon de se développer là-dedans. Là, fait que... Prochainement, quel jeu RP... Parce que là, on sait que du RPG, ça prend énormément de temps à jouer. Lequel vous planifiez prochainement de jouer? Finir Project Crosszone de mon côté. Parce qu'il est si vaste que ça? Écoute, après 41 heures de gameplay, il me reste encore 10 chapitres à faire. Hey. Sur 50. Et ça prend combien de temps, chapitre? Ça peut prendre en moyenne 2 à 3 heures, dépendant aussi c'est quoi les monstres que t'as à vaincre, parce que là on parle des monstres, c'est que toi t'as un HP de mettons 11 000, puis ton monstre a un HP de 100 000. Moi je me sens même à ce que le dernier boss ait un HP de au-dessus d'un million. Fait que ça j'ai pour ça je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer, mais je dois quand même avouer que malheureusement c'est également un jeu facile quand tu comprends c'est quoi la bonne stratégie pour bien faire, parce que c'est le défi aussi de Project Crosszone, c'est que tu peux pas, c'est pas conseillé de grinder juste un personnage. Le mieux c'est que tu grindes tous tes personnages, parce que des fois les ennemis peuvent vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment te faire du mal, genre en un coup ils t'ôtent la moitié de ton énergie. Fait que faut que tu penses là-dedans à la partie qui te protège. Project Crosszone, qui va peut-être déplaire à certaines personnes, c'est que tu peux pas grinder justement, parce qu'il faut que tu penses justement à stratégie puis protection pour pas justement que tu échoues des missions ou que tu perds ton temps dans aussi pour te faire tuer de plusieurs façons. Ok. Sylvain, de ton côté, quel jeu tu peux rejouer prochainement? Je vais essayer de commencer Tales of Vesperia. Bientôt. Je suis toujours pas rendu à la fin de Dragon Quest 7, que ça risque d'être long. Écoute, j'ai une tonne de RPG à faire. Là. J'ai Eternal Sonata, Blue Dragon. Très bon Blue Dragon en passant. Je sais pas par où commencer, mais je vais finir par finir Dragon Quest 7. Là, puis après ça, je vais probablement faire Tales of Vesperia après. Là. Alpha? Moi, j'ai terminé samedi soir Earthbound. Oh my god. J'étais content. Hey, le dernier boss, là, je vous jure, là, une fight du dernier boss, là, c'est une demi-heure. Ça, c'est si tu le bats, là. quand ça fait 20 minutes que t'es dessus pis tu crèves, je te dis que tu sacres un petit peu. Fait que, bon, bref. J'ai fait ça samedi soir. Le jeu est excellent. Vraiment, que du bon à dire de ce jeu-là. Mais là, je vais peut-être pas partir en RPG tout de suite, là, parce qu'avec mes vidéos pis tout ça, je vais peut-être plus me remettre sur un bon vieux Megaman, là. Ça fait longtemps que je veux finir Megaman X au Super Nintendo. Je pense que c'est ça que je vais faire prochainement. Si t'as besoin d'un coup de main, juste à venir me chercher. Bon, on va donner un conseil live right now, là. C'est l'arme d'Amadillo. OK. C'est bon. Pour Sigma, là, la dernière phase de Sigma, c'est... Non, ne dis pas de spoiler. Bon, spoiler. C'est sûr que demain, je m'en souviendrai plus, anyways. Là, fait que... De toute façon, va falloir que je l'expérimente. Là. Marilyn, est-ce que tu as un RPG que tu penses jouer prochainement? Peut-être pas un RPG, mais un MMO RPG. Star Wars The Old Republic, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Puis... Ouais, je l'ai sur mon ordinateur, puis sérieusement, il me retente, là. Il me regarde, puis il dit « Joue avec moi! Joue avec moi! » Il veut faire une Jedi. Jedi. Oh non, Marie, c'est Jedi. Sûr que c'est là à plate couture, là. Oublie ça. Oh, pas sûr, moi. Tu serais un Sith, Marie? Non, vraiment pas. De mon côté, ben, j'aimerais beaucoup finir Final Fantasy VI pour une fois dans ma vie. T'as jamais fini? Jamais fini, non. C'est épique. La finale, elle seule, vaut le jeu. C'est épique. J'ai vraiment hâte de le finir. Fait que c'est ce que je me mind à faire. Et sinon, ben, je me suis gardé une copie en PlayStation 3 du Kingdom Hearts qui sort, la version remix. Et j'espère tenter Marie à jouer à ce jeu-là pour qu'elle découvre la licence Kingdom Hearts, qui pour moi est une licence magnifique à commencer, là. Surtout Marie, que. On t'oblige, Marie, à jouer à Kingdom Hearts avec Ben. Moi, ça me dérange pas. Okay. Même si vous m'obligez, je vais jouer pareil à sûrement un moment donné. Fait que... Ah, peu. Je vais y aller comme dernière question. Après ça, on va aller voir les questions du monde qui nous suit en ce moment sur YouTube. Votre MMO, votre RPG préféré, c'est lequel? Ouf. En fait, Final Fantasy VI, Contact. Dans mon côté, c'est pas mal ça, je te dirais. Donc, ton premier RPG ou MMO? RPG, RPG. Ever? Ever. Final Fantasy IV. Il est aussi un très bon choix, celle-ci. Est-ce que tu as joué avec la suite? Moi, j'ai joué avec toutes les versions possibles et imaginables. Ok, 4-2, tu y as joué. J'ai joué à toutes les 4 okay. possibles. Ever. Okay. Puis c'est le 4 que tu préfères le plus? Le 4 forever. Ok. That's when Final Fantasy stopped being great. Non, ça c'était après le 6. Non, j'ai dit great, j'ai pas dit bon, j'ai dit great. Ah. Alpha? Écoute, moi, à bien y passer, je vais falloir que je fasse un ex-aequo. Je suis pas capable de partager. Je vais dire ex-aequo Dragon Quest 7 avec Earthbound. À ce point-là, ok. Ouais. Toi, Marie, peux-tu oser? J'ai pas assez joué à des RPG pour dire que j'ai un préféré sérieux, hein. Mm-hmm. Malheureusement. Ok, il y a plein de monde qui vont faire comme « Oh, Bella! » Ben, c'est... Oh, Bella! De mon côté, je vous dirais... Je suis beaucoup à Skyrim en ce moment. J'ai vraiment trippé sur Skyrim. Puis, j'hésite en Skyrim puis Mass Effect, le deuxième. Je trouve que même s'il y a des tonnes de bugs graphiques, là, ok, voir le gars s'enfoncer dans le plancher là, quand il est en train de te jaser, c'est étrange là. Surtout qu'il est assis sur son bureau, puis après ça, une seconde plus tard, il se ramasse dans le plancher à côté là. Ça, c'est vraiment fucké. Mais l'histoire est vraiment là, elle est vraiment le fun. Puis, ultimement, c'est épique. T'as Mass Effect pourquoi? L'histoire. L'histoire, elle est malade. Ben c'est ça, là, je veux dire, t'as Mass Effect, ben... Mass Effect, c'est ton choix parce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher de Mass Effect qui fait que c'est lui a ça puis les autres n'ont pas. C'est vrai. Fait que non, c'est ça. Je suis pas mal ex-aequo Skyrim puis Mass Effect. Parce que Skyrim aussi, j'ai bien aimé l'histoire. En JRPG, je pourrais dire JRPG, je dirais le Final Fantasy 4 aussi. Le 4, je l'ai fait le tour puis je l'ai bien aimé aussi. C'est vraiment un RPG que j'ai passé du temps fou là-dessus. Mais il faudrait que je finisse le 6 avant de pouvoir vous dire mon définitif. Donc, on va aller voir les questions sur nos chats. Ouais, je vois que le monde jase à tour de bras. Oot. C'est assez intense ce soir. Oui, hein? On aime ça comme ça. Ah, c'est vraiment le fun. Marie, je vais te laisser choisir. Oui. Tu prendrais-tu une petite clémentine? Pourquoi le monde parle de clémentine d'un coup? T'aimes pas les clémentines? T'aimes pas les clémentines? What the fuck? Ouais, donc le Halloween or Orange pis. Il faut triper François Pérusse. Oh oui, je pense que c'est dans le 6 ou dans le 7 celle-là. Le gars qui s'en va son boss. T'aimes pas les clémentines? T'aimes pas les clémentines? Le gars, il aime un peu trop les clémentines. Il offre des clémentines à tout le monde dans son bureau, puis tout le monde, il dit non. Personne veut des clémentines. Puis qu'à la fin, il se ramasse à manger une volée parce que... À la fin, il pète une coche parce que personne aime les clémentines. Ok. C'est tout. Avec Marie, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Il y a du monde qui se demande. Il y a Trinity qui se demande est-ce que Lollipop Chainsaw sur PS3 est un RPG? Ça, non. J'ai déjà répondu. C'est un beat'em up malgré qu'il y ait des aspects upgrade. Non, mais c'est pas pareil, là. Non, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pour ça que je. Tabarnak. Exactement pour balancer. On a 31 Price, Subin 76. On voit que t'aimes bien le Canadien. Je suis peut-être hors sujet, mais pensez-vous que Diablo 3 est un flop selon vous? Moi, je vais y aller avec oui, là. Ben, c'est pas un flop. C'est pas un flop. Ouais, non, c'est ça. Financièrement, puis genre, du point de vue appréciation, c'est faut différencier. Financièrement, non. Point de vue appréciation, j'aurais tendance à dire oui. Mais là, en tout cas, de mon point de vue, là, c'est oui. Qu'est-ce qui va arriver quand ça va sortir sur console, Diablo 3? Ben, ils ont enlevé l'option house déjà en partant. Mettons que c'est un bon move. C'est un bon move. Puis la console, selon moi, tu peux jouer offline. Oui, tu peux jouer offline, oui, effectivement. Ce qui est un autre bon move, mais t'as pas de clavier souris. Mais ça se joue très bien avec la manette, d'après ce que j'ai vu sur IGN. Ils montraient comment ça se jouait, là. OK. Ah. Puis, sérieux, là, moi, j'ai pas joué à Diablo 3 depuis je sais pas combien de temps, là, mais là, ça a peut-être me donné un petit regain. Moi, intéressant comme réponse. Intéressant. Peut-être. Mais un regain pour la version console, là. On s'entend. On s'entend. Quand même! Y a-tu d'autres choses, Marie? Il y a Don Camilo, oh, 1987. Attends, Marie, attends. Je veux juste ajouter qu'il y a un mode offline multiplayer où on peut jouer 4 dans l'écran. Oh! Ah, ça, c'est intéressant, hein? Oh. Ah ben, on va se taper une soirée de ça. OK, Marie, vas-y, go! Vas-y, Marie. Go! OK, je vais. Bon. Désolé. Don Camilo, 1996, demande, avez-vous déjà essayé les RPG indépendants de RPG Maker? Quelques-uns, oui. J'ai joué à quelques RPG qui se trouvent sur Internet, qui étaient faits avec RPG Maker. C'est pas si pire. Mais j'ai pas joué au dernier, je dois t'avouer. Fait que j'imagine qu'avec les derniers, tu peux faire des affaires de malade comme jeu, là. Fait que, mais moi, créer un jeu, je suis pas capable. Non, ça prend du temps, puis il faut vraiment que tu veuilles en crise. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Marie? Il y a Lloyd Wolfwood, j'ai une petite conversation avec dans les commentaires, parce qu'il disait « J'aime pas les MMO » et j'ai demandé pourquoi. Et lui, il dit « Pour moi, un jeu a un début et une fin, mais les MMO font une tendance à l'addiction que j'aime pas. » C'est un fait. Ouais, c'est pas un fou. Fait. C'est correct, si tu touches pas aux MMO, là, tu en seras jamais accro. C'est vrai. Nous, on a tous tombé là-dedans, sauf Antithèse. Encore, il a pas encore tombé dedans. Il y a une différence. Bon, oh, je me suis essayé avec WoW. Une heure de temps. Puis j'ai plus jamais retouché la presse. J'ai juste comme pas accroché. Okay. Je reconnais sa révolution technique et c'est pourquoi que les gens adorent. Mais ouais, ça m'a juste comme pas cherché. Oups, on a. CJ55 qui demande est-ce que les accros ont essayé Demons ou Dark Souls? J'ai essayé Demon's Souls puis je me suis comme mis en tabarnak. C'est fucking dur. Je suis pas capable de passer genre là. J'ai réussi à faire le premier tableau puis après ça les autres c'est comme non, je meurs automatique. Ok, non, je suis pas capable de jouer. J'ai Demon's Souls ici puis je suis pas capable de jouer. C'est pareil pour moi. À part que j'ai pas le jeu Demon's Souls, mais j'ai un de mes amis qui l'avait, puis on jouait ensemble. Tu sais, quand l'un s'écœurait trop du jeu. C'est un jeu dans lequel on a du fun. C'est tellement dur. Mm-hmm. C'est vraiment dur. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, Marie? Oui, on a Paladiel qui dit que son RPG préféré, c'est Fallout. Wouhou! J'imagine que c'est les premiers. Les premiers ou le 3? C'est pas mentionné. Alors, on va attendre ta réponse, mais selon moi, ça doit être le premier ou le deuxième. Le 3, j'avoue que c'est vraiment différent comparé aux vieux Fallout. Les vieux Fallout, ils sont vraiment plus RPG, oui. Tactique, tandis que le Fallout, ben, shooter, tactique. Ouais. Avec des éléments d'RPG. C'est ça. Sinon, à part ça, Mr. Setter, qui dit RPG préféré, c'est Earthbound, pour lui aussi. Ben oui. Après ça, je regarde rapidement, parce qu'après ça, on va finir le podcast. Oui. Malheureusement, oui, c'est l'avenir, mais bon, j'avoue que j'aime bien les mémoires RPG. Je joue à PSO2, qui est Phantasy Star Online 2, et Digimon Master Online. Ah, il joue à des jeux que moi, j'ai pas joué. C'est cool. C'est ça qui est le fun, des fois, j'en vais avec vous, les accros, c'est qu'on peut découvrir des affaires que nous, on sait pas. Et à Ben, quand même une coupe. Oui. Fait que là-dessus, si on va finaliser notre podcast, je vais commencer avec Antithèse. Comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par email à antithèse, antithese@gmail.com ou yahoo.ca. On peut également me suivre mes tweets sur antithèse16. La meilleure façon, cependant, pour m'abjaser, c'est sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. RetroGamerPQ, comment on peut te rejoindre sur les internets? Préférablement sur le site desaccrodesjeux.com ou sur ma page Facebook de RetroGamerPQ ou sur mon channel YouTube de RetroGamerPQ. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur les internets? Il y a beaucoup de façons. On peut me contacter par courriel blogdemarielune@commercial.gmail.com. On peut me rejoindre, bien sûr, sur le forum des accros. On peut me rejoindre sur ma chaîne YouTube Création ML, d'ailleurs, qui a eu un nouveau look depuis en fin de semaine. Et on peut me rejoindre également par la page Facebook des accros ou la page Facebook de Marie-Lune. L'homme qui n'a pas besoin de se faire découvrir, tu peux quand même nous donner tes informations, comment on peut te rejoindre sur les internets, monsieur Alpha. On va prioriser le site Accro des Jeux. Je vais faire mon tour là, régulièrement sur le forum. Fait que venez nous rejoindre. On est une belle gang de joyeux lurons. Oh oui. Sinon, Testeur Alpha sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, je suis là. Et puis, j'ai aussi mon site internet, www.testeuralpha.com. Fait que, je suis pas difficile à rejoindre, fait que, n'hésitez pas! De mon côté, il y a plusieurs façons où vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre via le site internet des Accros des Jeux, accrosdesjeux.com. Le forum, j'y passe régulièrement pour voir si vous venez nous jaser. C'est vraiment le fun que vous venez nous participer. Il y a également plusieurs façons où vous pouvez me contacter. Il y a ma chaîne YouTube Accros des Jeux. Abonnez-vous si vous nous suivez ce soir live. Allez cliquer sur un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Vous pouvez également m'envoyer un courriel via accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Il y a également le Twitter des Accros des Jeux, @commercialaccrosdesjeux. Il y a le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. À 275 fans, je fais tirer un jeu Steam. Pour plus d'informations, allez sur notre Facebook. Et sinon, à part de ça, pour ce qui est de mon Facebook personnel, je ne le donne pas parce que je tiens à ce que le monde, ça soit seulement du monde que j'ai déjà rencontré dans ma vie. Mais si vous voulez absolument me rejoindre sur Facebook, j'ai un Facebook qui est dédié aux accros des jeux, qui est accro et non famille des jeux. Là-dessus, ça finit le podcast des accros des jeux de l'édition du 12 août 2013. Soyez avec nous la semaine prochaine, le 19, on va faire un podcast spécial Sonic 2 sur Genesis. On va parler de ce jeu-là, on va en parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas de ce jeu-là, puis de son importance. C'était le podcast des accros. Vous avez vu, on est fou. Comme ça se peut pas. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Rétrogueur PQ. Marie-Lune. Et Testeur Alpha. Pour le podcast des accros, soyez avec nous la semaine prochaine, lundi soir, 20h. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. Venez nous voir à l'Otakuton samedi. Oui! Venez nous voir samedi. Bye!